C'est une des découvertes les plus incroyables de ces dernières années. Réalisée dans un contexte totalement désertique, mais à quelques centaines de mètres de l'océan Pacifique, sur la côte nord du Pérou. Une découverte qui nous révèle des pratiques religieuses et des sacrifices rituels au sein d'une société complexe, mais sans écriture, qui succéda à la fameuse culture Mochica, mais disparue, elle aussi, bien avant la conquête espagnole. Pour tout savoir sur l'empire Chimú, sa capitale Chanchan, ses croyances et ce qui motiva des pratiques religieuses effarantes, je me suis rendu au Muséum National d'Histoire Naturelle pour y rencontrer, dans le fameux bureau de Georges Cuvier, Nicolas Gupfer, chargé de recherche au CNRS, actuel directeur de l'UMR Archéologie des Amériques, et Élise Dufour, maîtresse de conférence au Muséum au sein du laboratoire Archéozoologie Archéobotanique. J'ai donc demandé à Nicolas Gupfer ce que nous savions sur cette culture Chimú, disparue en 1470, donc bien avant l'arrivée des conquistadors. Donc la culture Chimú est une des sociétés complexes de la côte nord du Pérou qui se développe entre 850, 900 et 1470 de notre ère. Qui s'est développée dans un milieu désertique grâce à la pratique de l'agriculture en milieu désertique et de l'élevage dans ce même milieu. Donc c'est une société hiérarchisée, centrée autour d'une capitale, Chanchan, et qui a étendu son territoire sur près de 1000 km de long. C'est pour ça qu'on parle d'empire ou de cité-état ? Oui, alors on parle d'empire, c'est la terminologie qui est utilisée. On pourrait aussi parler de royaume, puisqu'on a, d'après les textes, une succession de rois Chimú jusqu'à la conquête inca sur cette population. En tout cas, ce n'est pas les conquistadors espagnols qui achèvent ce royaume. Non, c'est les Incas. C'est lors du développement de l'Empire Inca, la conquête du nord du Pérou et la prise de Chanchan est un des épisodes importants de ce moment. Alors les hypothèses et les textes divergent là-dessus. On parle surtout du siège de Chanchan qui aurait permis la prise de la ville, la chute du dernier roi et la prise de l'Empire Chimú qui intègre de fait l'Empire Inca. Que devient le roi ? Il est exilé chez les Incas ? Il est exilé à Cusco, en tout cas de ce qu'on en sait. Là encore, on dépend des sources historiques, donc il faut prendre toujours ces textes avec beaucoup de précautions. Mais il est exilé en même temps qu'une certaine partie de la population, comme les métallurgistes qui étaient fameux et connus pour cette orfèvrerie et métallurgie de très haut niveau. Les sources hispaniques, je sais qu'il n'y a pas de codex chez vous, pourraient-ils nous renseigner, et cela même s'ils sont bien sûr plus tardifs ? Les sources ethno-historiques décrivent essentiellement les témoignages incas, les pratiques et la vie quotidienne des incas, et donc on parle des Chimú par ricochet, en quelque sorte, par la prise de Chanchan et cette conquête du nord du Pérou. Donc oui, on a des informations sur les Chimú à partir de ces textes, mais essentiellement sur la conquête de ce territoire par les incas. En tout cas, je sais qu'il y a un texte anonyme de 1604 qui retrace l'origine des Chimú. Oui, on a l'ancêtre fondateur Takainamo qui viendrait du nord par la mer et qui fonderait la capitale Chanchan, donc dans la vallée de Moche près de l'actuelle ville de Trujillo, et qui aurait fondé cet empire qui va progressivement s'étendre sur une grande partie de la côte nord du Pérou et côte centrale jusqu'à la proximité de Lima. Cette société, c'est une société de quoi ? D'agriculteurs, de pêcheurs, puisqu'on est au bord du Pacifique ? Alors, on est sur une société essentiellement d'agriculteurs et d'éleveurs et de pêcheurs, mais avec une grande partie aussi, en tout cas à Chanchan, d'une population totalement dédiée à l'élite, des artisans, céramistes, métallurgistes, qui étaient aux ordres de cette élite pour fabriquer ces éléments de somptuaires qu'on a retrouvés malheureusement pas dans les tombes, mais qu'on retrouve dans les musées du fait des pillages. Parce que la société Chimú, et comme sa contemporaine les Lambayeque, a un art somptuaire funèbre assez fastueux. Et donc on a des tombes royales qui ont été recherchées par les pilleurs dès la conquête espagnole et qui ont permis de montrer que cette société était vraiment une société très hiérarchisée avec probablement des rois, avec un ordre de succession qui est lui pas tout à fait connu, mais avec différentes, disons, groupes sociaux qui composaient cette société. La capitale donc des Chimou était Chanchan, l'un des plus puissants complexes urbains d'Amérique préhispanique. Oui, alors Chanchan, c'est pour donner des dimensions toutes simples, c'est 20 km² au bas mot. C'est l'équivalent, si on veut, en taille de Teotihuacan au Mexique. C'est une cité qui comporte plusieurs grands ensembles, des palais que les premiers explorateurs ont appelés citadelles, puisqu'ils ont été impressionnés par la taille des murs, la taille du complexe, la taille des cours, des patios, des ensembles qui étaient présents, des ensembles architecturaux, et donc a donné ce terme de forteresse, de citadelle, alors qu'il s'agit en fait de réels palais. C'est un espace bien sûr politique, mais aussi administratif, religieux. Oui, ces sites sont vraiment des sites multifonctions. Hein. On parle de centres civico-cérémoniels, et dans le cas de Chanchan, c'est vraiment ça. On a un centre administratif, un centre de pouvoir et à la fois un centre religieux. Nicolas Godefer, j'ai parlé d'empire, j'avais parlé aussi de cité-État. En tout cas, nous sommes avec les Chimous face à un pouvoir extrêmement centralisé. Oui, parce qu'on a donc cette capitale, Chanchan, et des sites administratifs de grande taille, mais qui se répartissent tout au long du territoire. Et donc, on a vraiment une hiérarchie de sites à partir de ce centre nucléaire qui est la vallée de Moche et le site de Chanchan. Non loin de Chanchan, un étonnant site a été découvert. L'histoire d'un jeune archéologue contacté par un vendeur de pizza. Il s'agit d'une légende, d'un mythe? Non, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est... Le découvreur du site était un voisin qui a œuvré aussi à sa protection d'une certaine façon, qui a chassé les gens qui commençaient à piller, mais c'est lui qui a découvert dans les profils du site, les profils de la dune, des restes osseux, des restes de cheveux, des restes de poils de fibres animales. Et donc il a alerté Gabriel Prieto qui travaillait, lui, à quelques centaines de mètres sur un site d'une période plus ancienne, un site de pêcheurs. Et donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Comment se présente le site? C'est une immense dune dominant le Pacifique? Non. En réalité, c'est une petite dune. On pense toujours à ces grandes dunes de la péninsule arabique ou du Sahara. Là, on est sur une dune de taille moyenne qui devait être probablement plus importante à l'époque préhispanique, mais qui a été endommagée par les constructions modernes. Mais on est à quelques 300 mètres de l'océan et donc ça devait quand même représenter un élément du paysage assez remarquable pour que les Chimous ils pratiquent le rituel dont on va parler. Qu'est-ce que l'on a dans ce site? Alors, on a essentiellement des enfants sacrifiés, 137 enfants et 3 adultes, et plus de 200 camélidés, donc lamas et probablement alpagas, considérés comme des éléments assez précieux pour être sacrifiés à ce moment-là en telle quantité. Et encore, on a retrouvé ce qui restait, hein, parce qu'il y a beaucoup de constructions modernes qui ont dû détruire une partie de la dune et détruire une partie des restes qui étaient présents. Donc potentiellement, on a un site encore plus important. Ce sont des grandes fosses, des toutes petites tombes isolées. Ça se présente comment? Alors, il y a des fosses, c'est vrai, mais on a beaucoup d'individus qui sont isolés, mais aussi associés donc à ces camélidés, parfois dessus, parfois dessous, parfois un camélidé, un humain, un autre animal. On parle peut-être de 200 ou 300 mètres carrés, hein, donc c'est vraiment une densité de population sacrifiée assez importante. Élise Dufour, le sacrifice consiste à couper la horte, ce qui, somme toute, est visiblement une mort très rapide. Ce qui est très intéressant, c'est bien entendu la relation entre humain et lama. Alors, tout à fait. On peut pas seulement parler de lama, mais des camélidés sud-américains en général. Alors, cette relation, elle est ancienne. Elle ne se résume pas, elle ne débute pas avec les Chimous. Elle date de au moins 5000 ans, même beaucoup plus, en fait, depuis la colonisation par les populations qui sont venues s'installer dans les Andes. Bien sûr, il y a eu la chasse, il y a eu aussi des épisodes de domestication, dont au Pérou, et ensuite l'utilisation de ces animaux, mais vraiment pour énormément d'usages au sein des sociétés. Bien sûr, là, on parle d'utilisation symbolique, rituelle, religieuse, mais il faut voir que ces animaux été utile vraiment dans toutes les sphères, dans toutes les activités de ces sociétés. Il y avait même des caravanes de lamas. Tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu on a un petit peu du mal à imaginer ce que c'était que la vie de ces populations préhispaniques. Mais aucun des animaux que l'on connaît dans l'ancien monde n'existait. Et donc, il n'y avait que les lamas, donc qui sont la grande forme de ces camélidés domestiques, qui permettaient le transport des biens, des denrées, et les échanges entre les différentes zones des Andes. Il faut voir que là, on se situe sur un site côtier, mais il y avait des échanges, bien sûr, avec les zones montagneuses, et donc il fallait quand même parcourir des milliers de kilomètres, parfois, au moins des centaines. Donc ces caravanes de lamas étaient vraiment essentielles. On peut imaginer que les lamas aient été tués en même temps que les enfants. Tout à fait. En fait, on en a même des preuves tout à fait directes, hein, puisque on a des traces, des empreintes de pas, à la fois des enfants qui portaient des sandales, et puis aussi des ongles des animaux qui ont laissé donc cette empreinte. Et puis aussi, on a aussi d'autres témoignages où on voit bien que les sépultures sont multiples dans certains cas, et qu'il y a une totale connexion entre l'enfant et le camélidé qui a été enterré. Dans cette relation homme-animal, premier fait très important, les âges. Oui, effectivement, c'est vraiment un point saillant, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver donc même à d'autres époques que l'époque Timou. Et on a une proportion très importante de jeunes individus, voire même de très jeunes individus. En fait, on a quasiment que des jeunes, mais vraiment aussi des très très jeunes. Et chez les enfants, ben voilà, comme dit, c'est des adolescents, des enfants. Il y a que trois adultes, c'est ça, qui ont été découverts sur le site. Actuellement, les sacrifices de lamas continuent d'exister. Alors, tout à fait, et mon collègue Nicolas Gopfer a pu avoir l'occasion d'assister à un tel événement. Oui, alors les sacrifices continuent aujourd'hui. Alors, c'est en perte de vitesse, je dirais, du fait de la modernisation de la société, aussi de l'évangélisation, hein, c'est un phénomène qui touche les Andes, mais on a, jusqu'à il y a quelques années, des pratiques qui ressemblaient, en tout cas, qui sont assez similaires à ce qu'on pouvait retrouver à l'époque préhispanique. Hein. À quelle occasion? Alors c'est souvent pendant le carnaval, c'est un moment d'inversion de l'ordre établi, et donc on a pour ce moment-là des sacrifices qui sont réalisés par les communautés d'éleveurs, de mineurs, d'agriculteurs pour assurer les bienfaits auprès des esprits tutélaires des montagnes. Alors évidemment, ce sont des choses, comme disait Nicolas, les esprits tutélaires de la montagne qui ne se passent que dans les hautes terres. Hein. Les populations de camélidés n'existent plus sur la côte. Ce prélèvement de lamas, ça devait être considérable, ça devait affecter la société. Oui, certainement, parce que même si on a différents indices hein, qui nous indiquent que les populations de lamas, de camélidés, en tout cas peut-être aussi des alpagas, très certainement des lamas, mais peut-être des alpacas également, étaient très très vastes. Enfin, il y avait des gros troupeaux. Mais on peut pas nier qu'un événement comme ça, qui mobilise énormément d'individus dans le même temps, ait pu affecter ces troupeaux et leur intérêt économique. Alors pourquoi on sait que cette pression a pu être forte? Parce que des analyses isotopiques ont pu permettre d'avoir une idée de l'endroit où avaient été élevés ces animaux. On pouvait se poser la question de leur origine. Est-ce qu'elle était purement locale, on va dire, issue des populations des basses terres, ou également des populations, des troupeaux, des hautes terres, qu'on imagine beaucoup plus facilement plus nombreux, hein, puisque c'est le mode, enfin c'est l'habitat naturel de ces animaux. Et on s'aperçoit avec ces analyses que, en fait, pas du tout. Ce sont des animaux qui ont été prélevés, on va dire, relativement localement, en tout cas, qui ne sont pas issus des élevages des hautes terres. Nicolas de Gutfer, vous avez recherché l'origine des enfants? Oui, alors on a des déformations crâniennes qui nous montrent aussi que les enfants étaient issus de différents endroits, différents lieux du territoire Timou. Donc on a vraiment une réunion de différents éléments géographiques en ce point proche de la capitale Chan Chan qui permettait probablement d'unir et de renforcer ce moment particulier qu'a été ce sacrifice. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Nicolas Gutfer, on a une idée du recrutement social des enfants? On pense hein, que c'était des enfants qui appartenaient à l'élite. Hein. Ils étaient quand même richement vêtus. On a retrouvé les textiles, des coiffes. Alors, pas de mobilier associé à ces enfants, mais quand même des tuniques, des habits, les coiffes. Alors justement, Élise Dufour, vous nous avez sorti du mobilier. C'est absolument formidable. Très belles couleurs. Il y a des rouges très sombres, des rouges clairs. Oui, alors on a beaucoup de chance sur la côte du Pérou, hein. En fait sur toute la côte du Pacifique, on a des conditions extrêmement arides qui vont permettre de conserver les restes organiques. Alors généralement, comme marqueur idéologique, on a les poteries hein, comme marqueur de la culture matérielle, mais là on a la chance également d'avoir des textiles qui sont préservés, et comme vous l'avez dit, ce sont des textiles qui sont généralement extrêmement beaux, d'une très grande finesse, d'une très grande richesse, à la fois par leur coloration, leurs motifs. Qu'est-ce que vous étudiez sur ces tissus ? L'origine, bien sûr, le type de matériaux, du coton, de la laine ou autre, le mode de tissage ? Exactement. Donc l'intérêt, c'est de retracer toute la chaîne opératoire hein, qui a permis, à partir de la matière première, d'arriver au produit fini. Donc il y a une démarche qui est relativement classique, de déterminer, comme vous l'avez dit, s'il y a du coton, sachant qu'il y a un coton qui a été domestiqué hein, au Pérou, enfin, dans ce qui était le Pérou auparavant. Et ça, c'est une matière qui se produit, qui est produite, qui est élevée dans les basses terres. Alors que il est dit que la laine, elle, provient des hautes terres, parce que seule cette laine, cette fibre de camélidée, pourrait être assez prestigieuse pour rentrer dans la confection de ces textiles. On n'a pas de preuves, hein, même on a parfois des preuves contraires, notamment grâce aux analyses isotopiques qui peuvent permettre de déterminer l'origine géographique. Et donc ce qui est aussi un autre sujet d'intérêt, c'est de déterminer quelle est l'espèce de camélidé sud-américain qui a pu permettre de fabriquer ces fibres et cette laine. Alors dans cette nécropole, dans la relation enfant et lama, ce qui est très intéressant, c'est que visiblement, les robes des lamas ou des camélidés ont été sélectionnées. Tout à fait, c'est des pelages avec une couleur assez... Alors, il y a quand même différents types de couleurs de pelage. Hein. On a des beiges, on a des marrons foncés, puis on a aussi des marrons clairs et des animaux qui ont un pelage mixte. Alors, sachant que c'est une grande qualité de ces fibres, ensuite, je reviens au textile, je saute un peu du coq à l'âne, du lama à la laine, mais ça peut permettre déjà d'avoir des laines de différentes couleurs, très naturellement, et aussi permettre la teinture de ces laines et d'obtenir différentes colorations, même avec le même colorant à partir de fibres de couleurs différentes et des brillances exceptionnelles. Nicolas Gottfer, les robes des lamas sont soit bruns, soit beiges, soit un mélange des deux. Est-ce que cette couleur serait liée à la religion, à un dieu ? Alors on peut le supposer, hein. On sait que les Chimú et l'ensemble des sociétés préhispaniques, pré-incaïques, ont inspiré aussi le système religieux inca. Et on se demande, c'est une hypothèse qu'on propose, si les couleurs n'avaient pas un lien avec le code couleur qu'on peut retrouver plus tard chez les Incas, où certaines couleurs sont associées à certaines divinités, par exemple le blanc au dieu soleil. Et dans le cas présent, on a des pelages mixtes qui, eux, sont liés chez les Incas à la divinité de l'éclair, et donc peut-être à la pluie, qui dépasse un peu le simple choix des couleurs, mais qui serait lié à la religion aussi. Élise Dufour ? Outre la sélection de ces couleurs, c'est qu'il y a des couleurs de pelage qui n'existent pas et on peut se poser qu'on retrouve actuellement dans les troupeaux comme des blancs. C'est ce qui est le plus courant chez les troupeaux d'alpaca actuels, hein, qui donnent cette très belle laine qu'on peut acheter assez cher, mais qui est extrêmement chaude, extrêmement fine, extrêmement précieuse. On n'a pas de gris non plus. Et ça, seules des analyses génétiques pourraient nous permettre peut-être de savoir s'il y avait cette sélection dans le passé. Pour les lamas, l'alimentation fait aussi partie du rituel ? Tout à fait, on en a une idée très précise grâce à une étude archéobotanique qui a été réalisée par une jeune collègue qui donc a analysé le... Donc on a dit que c'est des conditions de préservation exceptionnelles. Non seulement on a évidemment les os, les dents des animaux qui sont préservés, mais on a aussi les toisons, les poils quand on vient de parler, mais aussi parfois les contenus stomacaux ou les fesses des animaux. Et donc elle a pu extraire les grains d'animaux de ces contenus stomacaux et qui révèlent donc le dernier repas pris par ces animaux. Donc on peut estimer qu'il s'agit d'un repas qui n'était pas un repas ordinaire, qui ne reflète pas forcément l'alimentation courante des troupeaux, mais des choses qui seraient données de façon exceptionnelle en préparation, donc qui font vraiment partie du rituel lui-même. Donc des haricots et du piment aussi, visiblement. C'est drôle de donner du piment au lama. Tout à fait, on peut se poser la question de quel est l'intérêt de donner à manger des piments au lama. Alors peut-être que ce sont des choses qu'ils consomment naturellement, bon, on a un peu des doutes, peut-être pour leur propriété, la symbolique autour de ces aliments. Après, on aura aussi retrouvé d'autres choses, comme par exemple du maïs, mais qui témoignent, comme ce sont des grains d'amidon, que ce sont vraiment les grains qui ont été donnés et pas à manger les feuilles, par exemple les tiges, qui ça pourrait être quelque chose d'assez commun. Et puis vos lamas, ils étaient très parasités. Oui, aussi, effectivement, l'intérêt d'avoir ces contenus stomacaux ou ces fesses préservées, c'est qu'on peut rechercher les endoparasites qui ont pu donc les rendre malades, hein, jusqu'à un certain point. On a trouvé des choses, hein, grâce à un autre collègue spécialiste des parasites internes, que certains étaient affectés donc de ces parasites et de maladies. Nicolas Godefer, dans ces sociétés, ce sont les animaux dangereux qui sont valorisés. Le condor, le puma, le jaguar. Pourquoi donc, dans ce cas-là, des animaux domestiques dans votre site? Alors, on a probablement une hypothèse qui porte sur la dualité de ces animaux. On a des espèces sauvages et des espèces domestiques. Les espèces sauvages sont plutôt réservées aux divinités, et les espèces domestiques aux populations humaines. Donc, on a une préférence et le sacrifice animal... Et la présence des animaux dans les sépultures apparaît vraiment avec la domestication et l'élevage des animaux domestiques. Donc c'est vraiment un fait récurrent dans les Andes. Et c'est la différence avec d'autres parties des Amériques, hein, comme la Mésoamérique, où on retrouve plutôt des animaux sauvages, des prédateurs qui sont eux sacrifiés. C'est presque un universo. On peut se faire enterrer, par exemple, avec un animal domestique. On se fait jamais enterrer avec un animal sauvage entier. C'est absolument inconcevable. On peut penser donc que le sacrifice était vraiment orienté, à l'échelle du monde, orienté plutôt vers des animaux domestiques. Oui, tout à fait. C'est une constante, hein, dans les Andes préhispaniques. C'est la présence de ces animaux domestiques et c'est vraiment une des différences avec d'autres zones, c'est qu'on a plusieurs animaux domestiques et en l'occurrence les lamas et alpagas qui eux représentent les victimes sacrificielles et funéraires, les victimes privilégiées par ces populations. Élise Dufour, les camélidés andins sont des animaux des hautes altitudes. Ils auraient donc été acclimatés aux basses terres par l'homme? Tout à fait. Alors, cette relation d'apprivoisement puis de domestication, elle a bien eu lieu dans les hautes terres, hein, dans plusieurs zones de domestication, dont une zone au Pérou, à Tel Armachay, on en a des indices. Mais il y a eu ensuite diffusion de ces animaux domestiqués, que ce soit dans d'autres endroits des hautes terres, puis des moyennes vallées, et puis aussi des basses terres. Depuis environ 2000 ans, on a des indices de cette présence. Alors on pouvait se poser la question si c'était une présence temporaire avec l'apport d'animaux des montagnes. Donc c'est certainement le cas au départ, hein, avec l'apport des animaux des caravanes, mais ensuite on a vraiment des indices démontrant que l'élevage avait lieu sur place. Alors petite précision, j'ai lu qu'il y avait 4 camélidés dans cette partie du monde. Tout à fait, on a 4 espèces. Donc on a déjà parlé du lama et de l'alpaga qui sont les formes domestiques, mais il y a aussi le guanaco et la vigogne. Donc la vigogne, c'est l'animal qui donne la fibre la plus fine, hein, au monde, de tous les animaux qui sont utilisés pour fabriquer de la laine. qu'on retrouve que dans les hautes terres, et puis aussi le guanaco qui, lui, a une répartition géographique un petit peu plus étendue. Aujourd'hui, les tisserands disposent d'hélène, d'alpaga et de vigogne. L'un est donc domestique, l'autre est sauvage. Au XVe siècle, les ressources semblent bien plus diversifiées. Tout à fait, potentiellement les quatre espèces ont pu être exploitées. Alors en fait, c'est aussi le cas, je crois, en Argentine pour les lamas. Il n'y a pas que l'alpaga et la vigogne. Mais oui, tout à fait. Et le problème, c'est que c'est très difficile à partir de leurs caractéristiques morphologiques. Donc théoriquement, c'est le cas actuellement. Si on observe au microscope les fibres, si on les mesure de chacune de ces quatre espèces, on est capable de distinguer donc ces quatre espèces. On s'aperçoit que dans le passé, c'était beaucoup plus difficile. Il y avait une bien plus grande diversité des espèces domestiques avec des qualités de fibres incomparables. Nicolas Guettefer, pour vous, nous sommes ici sur un événement unique consistant en un seul sacrifice. Alors c'est un sacrifice de masse unique qui a dû se dérouler sur plusieurs jours, peut-être quelques semaines, mais on a une stratigraphie assez réduite finalement, quelques dizaines de centimètres, 1 mètre, 1,50 m. Hein, donc on n'a pas du tout un événement qui s'est étalé sur le temps, on a un événement unique qui est un instantané de ce sacrifice. Pourquoi donc l'Empire a-t-il orchestré un tel sacrifice ? Pour renforcer le pouvoir des élites gouvernantes, par exemple ? C'est une des solutions les plus envisageables. Hein. On sait que le sacrifice est utilisé par ces sociétés complexes pour renforcer le pouvoir établi. Hein. On le verra après chez les Incas avec la capacocha, donc le sacrifice d'enfants en haute altitude. Mais c'est une pratique qui arrive depuis les Chimú et les Mochica bien avant eux. Donc oui, c'est une pratique idéologique qui renforce le pouvoir établi. Ce grand sacrifice ponctuel sur une dune au bord donc du Pacifique a pour objectif d'apaiser les dieux face peut-être à un événement majeur. Ne pourrait-il pas s'agir donc bien sûr d'El Niño qui lui aussi bien sûr porte aussi un nom d'enfant ? Probablement. Hein, on a évoqué tout à l'heure les traces de pas qu'on a retrouvées dans la boue. C'est l'indice qui nous fait penser que ce sacrifice est hautement lié à cet événement climatique. Et comme il ne pleut jamais sur la côte péruvienne, la côte pacifique, on le lie probablement à cet événement El Niño. On en a encore eu un en 2017, un événement particulier, mais qui a montré à quel point cet événement climatique est puissant, destructeur, et donc aussi avec un besoin d'apaiser ce moment-là. Le sacrifice était probablement utilisé par l'élite pour demander aussi aux divinités d'apaiser ce moment et peut-être de l'arrêter. Carbone 14 était réalisé par Guillaume Puel à la technique Noé Chaban et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.